Chapitre 23e, le départ. La comtesse reçut du Fulminante, comme il l'avait promis, toutes les instructions nécessaires. Il lui annonçait que le bâtiment promis serait à sa disposition pour le jour qu'elle fixerait. Elle fit donc à Armand ses propositions de fuite. Celui-ci avait parlé de prendre le chemin de la mer. Elle savait qu'il rêvait l'évasion par ce moyen. Un soir, elle tint conseil avec lui. « Signor, tout bien réfléchi, la mer est le seul chemin libre, je le crois, » dit Armand. « Je l'ai toujours cru, » dit Monsieur le Noël. « Il n'y a qu'un malheur, » dit Armand, « c'est que de ce côté les chiens font bonne garde. » « Et, » dit-elle en riant, « on vient à bout des chiens en les endormant. Avec quoi ? » « N'aviez-vous pas eu les jambes bien lourdes certains soirs ? » demanda-t-elle à Monsieur le Noël. « Oui, » dit celui-ci. « Aimons avec folie le Seigneur Armand, » dit-elle, « le voulant. » « Je vous ai versé de l'opium. »« Quelle idée ! » fit Armand. « On pourrait endormir les cerbères, en effet. »« Et les malvivants, » ajouta-t-elle. « Mais je veux de vous le serment que pas un d'eux ne sera molesté. »« Soit, » dit Armand. « Je n'ai nulle haine contre eux, » dit Monsieur le Noël. « Jurez donc, » dit-elle, « de respecter leur vie. » Ils firent le serment demandé. Elle ne parla pas du navire. Comment eût-il expliqué que, pauvre, elle avait pu fréter ce bâtiment. Elle se contenta de fixer une nuit, et le bâtiment reçut ordre de croiser cette nuit-là devant la grotte pour recueillir la comtesse et ses amis. Armand et le Noël devaient croire que le hasard leur faisait rencontrer ce bâtiment. Monsieur le Noël avait imaginé un moyen de se soutenir sur l'eau. Il ne s'agissait que de confectionner des chapelets de liège avec ses larges bouchons couvrant les dames Jeanne. Les bandits endormis, rien ne serait plus facile que de fuir. On attendit impatiemment la nuit à l'heure fixée par Bianca. Celle-ci voyait tous ses rêves se réaliser. Armand paraissait l'aimer tendrement. Le moment fixé arriva. La comtesse s'était entendue avec Ascario, qui lui aida à endormir au méchien, et qui fit mine d'être plongé lui-même dans le plus profond sommeil. Vers 11 heures du soir, les trois fugitifs descendirent sur la plage. Monsieur le Noël aperçut un navire. « Voyez donc, » dit-il, « quel bonheur ! La comtesse, un bâtiment, tout nous favorise. Vite, s'écria Armand, à la mer. Et ils se mirent à nager vers le bâtiment qu'avait mis sous cap. En une demi-heure, ils arrivèrent à portée de la voix. Armand alla à l'équipage. Qui appelle ? Demanda une vigie. Des gens qui se noient, répondit Armand. À nous, venez à nous. Et voyant que l'on mettait un canot à l'eau, il se débarrassa de ses lièges. Faites comme moi, dit-il. On l'imita. La comtesse nageait bien. Ne disons pas que nous échapperons des mains du Fulminante, dit Armand. Pourquoi ? Demanda la comtesse. Qui sait ? Nous ignorons à qui nous avons affaire. De plus, ces marins pourraient avoir peur du capitaine. C'est vrai, dit le Noël. Je leur ferai un compte, dit Armand. La comtesse admira la présence d'esprit et le sang-froid d'Armand. Le canot, cependant, s'approchait et les recueillit tous les trois. On les conduisit au navire où le capitaine les interrogea. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Le pauvre naufragé, » dit Armand. « Nous étions sur une barque de plaisance avec cette jeune fille qui est ma maîtresse et une autre qui était celle de mon ami. Le bateau que nous montions a donné contre un rocher et il s'est fendu. Il a sombré. La maîtresse de mon ami et l'équipage, composé de 3 hommes, ont coulé. Nous nous sommes soutenus sur l'eau. « Soyez les bienvenus, » dit le capitaine. Et il donna ordre que l'on prît soin de ceux qu'il avait sauvés. Monsieur le Noël et Armand furent conduits dans une cabine où ils reçurent des vêtements de matelot. En s'habillant, Armand dit à voix basse « Ce capitaine a mauvaise figure. »« Très mauvaise, » dit Monsieur le Noël. « L'équipage a l'air d'être composé de gredins. »« Je suis de votre avis. »« Pourvu qu'après avoir échappé aux brigands, nous ne soyons pas tombés aux mains de pirates. »« Défions-nous. » La comtesse, habillée en matelot, va les retrouver. Elle avait eu soin de faire mettre à bord tout ce qu'il fallait pour continuer à se teindre les cheveux et à se grimer. « Ne pensez-vous pas, dit-elle, que le seigneur Armand ait eu raison d'être prudent ? Nous sommes avec de vilaines gens. »« Nous nous le disions, dit Armand. Je crois, dit-elle, que nous avons affaire à des contrebandiers. Pourvu qu'ils consentent à nous débarquer, ces gens-là ne se dérangent pas volontiers de leur chemin. » Armand fronça le sourcil. La comtesse continua à exprimer ses craintes. Armand lui dit « Je vais interroger le capitaine. » La comtesse dissimula un sourire. Armand vint trouver le capitaine. « Monsieur, lui demanda-t-il, voulez-vous nous mettre à terre ?»« Un de ces jours, ami, » dit le capitaine. « Pourquoi pas demain ?»« Jeune homme, » dit le capitaine, « je suis un contrebandier, et je ne peux débarquer qu'en certains endroits et encore. Je vais en Angleterre. Je ne touche à aucun port d'ici là. Là, je jette ma marchandise sur une plage, et vous avec. Mais vous me signerez auparavant une reconnaissance dont je fixerai le prix pour frais de transport et de nourriture. Nous en recauserons. » « Causons tout de suite, je préfère payer plus et débarquer plus tôt. Impossible, cependant. Oh, n'insistez pas !» Armand vit à l'air de l'homme qu'il était déterminé sur ce point. Il revint à la cabine. « Eh bien ?» demanda la comtesse. « Vous ne vous étiez pas trompé, » dit le jeune homme. « Ce sont des contrebandiers. Où vont-ils ? En Angleterre. Nous débarquerons-ils ? Non, pas avant le terme du voyage. »« Quel ennui !» fit la comtesse. « Que voulez-vous ? Il faut se résigner. Bonsoir, Bianca. » Il l'embrassa. Elle s'en alla, toute heureuse de coucher dans sa chambre en se disant « Je le tiens pour longtemps. » Mais à peine était-elle partie qu'Armand dit à M. le Noël « Est-ce que ce navire, tout prêt à nous recevoir, ne vous paraît pas suspect ?»« Hé hé !» fit M. le Noël. « Il était à la cape, » dit Armand. « C'est vrai. On aurait dit qu'il nous attendait. »« Ma foi, oui. » »« Savez-vous comment s'appelle Bianca ?»« Ma foi, non. » »« Cherchez une figure ressemblant à la sienne avec des cheveux noirs. » « La comtesse, » fit Monsieur le Noël, « mais les cheveux blonds. » On se tint. « Armand, nous sommes aussi bien pris ici que dans la grotte. Nous verrons bien. Vous êtes brave, n'est-ce pas ?»« Je crois. » »« Nous jetterons cet équipage à l'eau. Ils sont au moins 7 hommes. »« C'est peu de choses, » dit Armand. « Avons-nous le droit de nager ainsi, si nous nous trompons ?»« Comment douter ? La comtesse a tout préparé. Ces hommes sont ou des bohémiens à elle, ou des affidés ou du fulminante. » Et Armand fit si bien qu'il vainquit les scrupules de M. le Noël.